En Corée du Sud, selon Yonhap News, 8 formations confucianistes de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont tenu une conférence de presse le 27 juillet à Séoul pour s'opposer à la décision des autorités sur la disposition du SAD. On a lu une pétition pour le retrait de la décision en question et publié un appel adressé à tout le peuple.